Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause du pacte des Koraïch, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte.